I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Bienvenue à une 35e de Subversion, édition du 20 mai 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, encore au rendez-vous. Et merci de l'être aussi. On commence pourquoi? On commence tôt aujourd'hui. On a une émission très chargée, évidemment, parce que dès 6h15, nous aurons ce Metal for Breakfast avec Mike TMG, une autre rencontre avec notre ami, puisque nous discuterons de deux sujets principalement. Le premier étant le passage au quart des siècles de ce classique du death metal, Blessed Are the Sick de Morbid Angel. Et le deuxième, eh bien, on va discuter comme ça de la culture du vinyle en général. Alors, ça promet. Donc, manquez pas ça. On y va tout de suite avec le premier bloc. On aura Bulldozing Bastard, Onslaught, mais d'abord Nasty Savage. La Subversion sur Underground Québec Radio.

foundations of the way. Centimeter square is crowded, chief together for the mass. A roaring sound of thunder, a piercing explosion, of course. The holy wars are trembling, the fire stops the chain. Hellish doomsday's coming, Satan's affecting the demon. Affecting the demon. Bring on the bulldozer, it is a blessing we say. Bury the weak on our special blade. Bulldozer, it says it matters again. Bulldozing the Vatican. Destroy the priest, reaching to the basilica. Raging shadows again. Lords, what you did? A blade to warn the bridge. Let it just bend up to the cross. Tearing down the altar. Ripping down the holy blood. Last but not the chapel. The legions did they cause. Beat them down with robbers as the final monument falls. Bring up the bulldozer, it is the blasphemous name. Bury the weak and honest mental blade. Bulldozer, it takes it matters again. My own day, the Vatican. Ouais, ben, un sympathique trio, hein, Bulldozing Bastard, 25 ans après le Slaughter in the Vatican de Exorder. Voici Bulldozing Bastard avec Bulldozing the Vatican, pièce titre de cet album de 2013, qui était leur deuxième. Et puis, la formation comprend à la voix et à la batterie Barrage Beast, aussi Aaron Commander, bassiste et vocaliste, ainsi que le guitariste Genocider. Alors, ces deux derniers font aussi partie de la formation Vulture qu'on a fait jouer la semaine dernière. Avant ça, on avait eu Onslaught avec Angel of Death de 1985, de cet excellent vinyle Power from Hell, pièce qui ouvrait le côté 2. Et au début du bloc, on a eu Nasty Savage avec Stab in the Back de leur deuxième album Indulgence de 1987. Déjà 6h15, on y va tout de suite avec cette portion consacrée au Metal for Breakfast. Metal for Breakfast avec Mike TMG, prise 3. Metal for breakfast. Metal for breakfast. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette. The Metal Guy. Nous sommes en direct de ce restaurant à Terrebonne, Le Ben et Florentine, dans notre banquette attitrée pour Underground Québec, pour Subversion particulièrement, parce qu'il nous fait plaisir, encore une fois, il nous fait plaisir de rencontrer notre notre ami et collaborateur, Mike TMG. Salut, Mike. Bonjour, chers collaborateurs et chers collègues et chers auditeurs. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous aussi? Beau dimanche matin ensoleillé. Oui. En ce jour de Alien Jésus, hein? Rien de particulier. Absolument, il y a toujours Noël, la Saint-Valentin ou la Saint quelque chose, mais là, rien de particulier. Mais particulièrement, un album 25e anniversaire, celui de Morbid Angel, oui. Blessed Are the Sick. Oui, sorti, ben, selon certaines sources, le 22 mai 91. En tout cas, en mai 91. 25 ans déjà. Oui. Encore des siècles. Oui, oui. Et on l'a devant nous, cet album. Que l'on veut. Oui. Avec cette couverture d'un tableau de Jean Deville. Oui. Qui s'intitule... Les trésors de Satan. Les trésors de Satan. Oui. Très belle peinture, oui, qui a été utilisée pour la pochette. Fait que ça représente pas mal bien l'album. Puis, mais ben ça, c'est... Ça donne que c'est ton favori. Oui. C'est le deuxième, parce que Morbid Angel, vous savez, chaque album, c'est une lettre de l'alphabet en ordre. A, Altars, B, Blessed Are the Sick, C, Covenant, D, Domination, et ainsi de suite. Oui. Le dernier était le I, on n'en parle pas bien, bien. Oui. Mais bon, le I premier... Pour, I pour imbécile, t'avais dit. Imbécile ou bien pour impuissant aussi. Fait que le prochain, ça risque d'être un J. Mais ça, c'est le deuxième, Blessed Are the Sick, sorti en 91, c'est 25 ans, album fantastique. À savoir aussi, c'est un album qui est comme un peu un album concept, parce que c'est mi-tune démo réenregistrée, puis mi-nouvelle tune. Fait que Die Kingdom Come, Unholy Blasphemies, Abomination, c'est tout des vieilles pièces de 86-87, dans le temps que Mike Browning jouait du drum et chantait dans Morbid, ouais, avant que David arrive avec Richard Brunel aussi. Fait que c'est comme un mix de old school puis de school 91, là, finalement. Musicalement, il est parfait, cet album-là. Solo, bass, guitare, voix, drum, le mix au total. Un des top 20 de tous les temps, de tous les styles de death metal confondus. Puis vraiment, ça représente beaucoup ce qui se faisait en 91 au niveau de la scène, ouais, floridienne. Ouais. Ouais, et il a souvent été mentionné, en tout cas pour tous les protagonistes du death metal, comme une référence principale justement de l'époque, ce Blessed Are the Sick. Toi, tu as choisi la pièce Thy Kingdom Come. Ouais. Et pourquoi particulièrement? Pour son feel. Parce que c'est une vieille pièce de 86-87, réenregistrée sur Blessed Are the Sick à la sauce 91, avec la production Tom Morris de Morrison Studios. Fait que c'est comme c'est le meilleur des deux mondes. Ben, anyway, n'importe quelle pièce aurait pu être choisie parce que c'est un all killers, no fillers. Là. Alors, oui, ça. Fait que oui, j'ai choisi Blessed parce que d'habitude tout le monde prend Fall from Grace ou Day of Suffering. Mais Thy Kingdom Come était spécial parce que c'est une vieille pièce qui torche. Musicalement et au niveau des paroles aussi, ça représente l'ancien Morbid Angel avec la touche moderne, mais ben moderne pour ce qui est de 91, bien, oui, sûr. D'ailleurs, on avait fait jouer la version démo dans l'émission avec Wayne pour l'émission démo album, là. Puis, oui, du démo 87. Puis, là, cette fois, ben moi, pour ma part, j'ai décidé de faire jouer un hommage à Morbid Angel par Sinister. La pièce, ça va être Fall From Grace. Puis Sinister, sur leur dernier album, en fait, il y avait en bonus track des très bonnes reprises, dont les pièces de Asian Steel, entre autres, et de Paradise Lost. Et cette pièce de Morbid Angel, Fall From Grace, pour souligner les 25 ans de cet album fabuleux qui est Blessed Are the Sick. Alors, on y va tout de suite avec Thy Kingdom Come, à Subversion. Lies beneath the ground. Ghostly winds, I hear the sound. Entendre Sinister avec Fall From Grace, leur relecture de ce classique de Morbid Angel qui est paru originellement sur Blessed Are the Sick, évidemment. La version de Sinister est parue en bonus sur Post Apocalyptic Servant de 2015, l'album de l'année, selon moi-même. Et avant ça, on avait eu le choix de Mike de cet album de Blessed Are the Sick pour souligner son 25e anniversaire. La pièce étant Die Kingdom Come, c'est paru en mai 1991. 2011. Alors, oui, c'était ça pour Morbid Angel. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, il est 6h30 sur Underground Québec Radio, mais sachez qu'on a commencé plus tôt, hein, à 6h, donc, pour faire place à cette grande discussion qu'on continue d'avoir avec Mike à ce restaurant de Terrebonne pour un autre Metal for Breakfast. Alors, retournons à notre table, attitrée, notre banquette, et commandons-nous un autre café pour ce Metal for Breakfast, principalement pour le sujet des vinyles. Donc, après cette pause. Je veux que cette équipe-ci soit à l'image de la fierté des Québécois de Québec. Premier match de Jean Perron au Colisée de Québec derrière le banc des Nordiques, dimanche, 14h. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette. De Metal Guy. Nous sommes de retour dans cette cathédrale alimentaire qui est le Ben et Florentine à Terrebonne, en compagnie toujours de notre ami Mike TMG, pour discuter d'un autre sujet, celui du vinyle ou de la culture du vinyle ou tout ce qui l'entoure. Le disque vinyle, on ne parle pas de vinyle de PVC, on parle du disque vinyle. Ouais, c'est ça. Et puis, on n'en parle pas pour rien, puisque bon, on connaît la recrudescence de ce format dans les dernières années. On parlait justement hors onde que les. Justement, il y a des compagnies, justement, pour survivre qui n'ont pas le choix de se renouveler de ce côté-là, si on veut, de ramener le format en question. Puis, non seulement de répondre à une demande, mais de répondre à leurs propres besoins de survivre dans cette industrie. Parce que, de plus en plus, on a juste à observer pour les ventes d'albums aux États-Unis 2014 ou 2015, c'est pas mal sensiblement dans le même ratio. En 2015, les ventes de vinyle rapportent davantage même que le streaming. Et un rapport américain révèle que bon, il y a plus d'argent en 2015. Ça a rapporté plus d'argent en 2015 que les revenus publicitaires, justement, du streaming. Et par exemple, dans les 10 meilleurs albums les plus vendus, pas meilleurs albums, mais les 10 albums en vinyle, format vinyle les plus vendus aux États-Unis, en quatrième, on retrouve un Abbey Road des Beatles, par exemple. On parle de 735 copies par jour pour un total au-dessus de 30 000. En tout cas, bref, un revenu total entre janvier et juin, si on parle de 2015 toujours, s'élève à 221 millions de dollars. C'est 60 millions de plus que les sets de streaming, avec les revenus publicitaires et tout ça. C'est des hausses considérables en pourcentage, 52% par rapport à l'année précédente, puis ça représente au total 30% du volume de vente physique sur la vente totale de la musique. Fait que c'est un retour significatif du vinyle. Alors, c'est un peu une des raisons pourquoi on en parle. Et on veut surtout aussi parler non seulement de la transition des formats, de cassette, vinyle, CD, MP3, etc., mais aussi de l'expérience globale, l'expérience du vinyle en tant que tel. Donc, je te pose la question, Mike, puisque je pense que si on se fie au passeport qu'on a consulté... si on a consulté ton passeport, on peut constater que t'es assez âgé pour avoir vécu la transition cassette ou vinyle à CD. Je voulais te poser la question de toi, mec. Comment t'as vécu cette transition-là du vinyle au CD? Par obligation, il faut dire, parce que bon, moi je me souviens en 90, il y avait de moins en moins de vinyle dans les bacs à ce moment-là. Il fallait se convertir. Un peu malgré soi au CD. Moi, personnellement, j'avais trouvé ça un petit peu... je ne vais pas dire douloureux, je cherche le mot, mais un terme pour dire que ça n'a pas été facile pour moi de passer à ce format-là. J'ai boqué pendant un bout de temps. Même, j'ai accumulé des CD pendant 2 ans avant de m'acheter un lecteur CD en 93. T'sais. Et quand j'ai eu Nuclear Assault, Out of Order, c'est là que je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps d'acheter un vinyle, c'est-à-dire un lecteur CD de scène de son pour Noël. Alors... est-ce que c'était par obligation pour ce qui te concerne ou ça a été une satisfaction de passer à ce format-là? Comment tu as vécu la transition? Moi, ma chaîne alimentaire a commencé par le début avec mon enfance. Fait que c'est vraiment générationnel. Mes parents, surtout mon père, avaient des disques vinyles. Fait que j'en voyais partout. J'en ai écouté de la musique classique et un peu de jazz. Fait que là, quand j'ai fait mes choix, ben, j'ai acheté des vinyles parce que c'est juste ça que je connaissais. Fait que premier vinyle metal ou hard rock plutôt, Def Leppard, Guns N' Roses et compagnie. Puis ensuite, j'ai acheté des cassettes parce que pas longtemps après, ben, j'ai acheté pas mal les mails en même temps finalement. Cassettes à cause que, question de budget, c'était 11$ une cassette, puis un vinyle c'était 18$. Fait que c'était plus simple pour quelqu'un qui avait, tu sais, quelqu'un qui a 11 ans puis qui veut commencer à passer une collection, c'était plus facile comme ça. Ouais. Puis à un moment donné, d'arriver, qui existait déjà depuis plusieurs décennies, le célèbre Club Columbia. Fait que le Club Columbia, tu peux avoir bien des CD pas cher hein, pour une scène, fait que c'est assez abordable. Fait que c'est là que j'ai fait le saut. Fait que j'avais une vingtaine de vinyles, une trentaine de cassettes, puis là, oh, le laser, mon Dieu, c'est beau, puis ça chaîne. Ouais, il y a eu des CD à Columbia aussi. Ben oui, bien sûr. Ils ont commencé en vinyle, ensuite c'est vinyle cassette, puis ensuite c'est vinyle cassette, puis CD. Ouais. Fait qu'en 89, je me suis abonné à Columbia, comme bien des métalleux ont fait. Fait que tu prends les Justice for All, puis les How Will I Laugh, puis Years of Decay, puis etc., etc. Fait que j'ai les avais en cassette, en vinyle, puis j'ai les avais en CD pour une scène. Fait que tranquillement, tu bâtis à partir de là. Fait que c'est fait très normalement. Puis aussi, avec le mouvement, comme tu parlais, il y avait moins l'industrie où les majors poussaient moins pour un ancien format, le vinyle. Poussait plus pour le format cassette parce que c'était portatif, puis tu pouvais l'enregistrer, puis ça allait dans le Walkman qui était poussé par Sony. Et aussi le CD qui venait de JVC, RCA, parce qu'ils voulaient avoir un format qui allait être indestructible et qui allait être universel, puis qui allait être un nouveau standard. Et puis c'est le fun parce que tu peux te rendre aux tunes 2, 4, 5, etc. plus rapidement et plus facilement. Fait que il y a un virage, c'est fait très rapidement, en moins de 2 ans. Fait qu'à un moment donné, j'achetais juste du CD parce que c'est juste ça qu'il y avait. Surtout dans le style de musique qu'on écoute, du heavy metal, du death metal, du trash metal, du black metal, du grindcore. Fait que toutes les étiquettes de disques qu'on connaît déjà vendaient juste du CD, puis cassette. Fait que c'était beaucoup plus simple de faire le choix rendu à ce point-là. On allait au petit magasin sur la rue Cresson, puis on achetait des CD. Et c'est ça qu'on a fait. Fait que ma collection a été bâtie très rapidement. On a passé très rapidement de vinyle à cassette, de cassette à CD. J'achetais quand même des cassettes, mais plus sur une base usagée, puis des vinyles fois de temps en temps. Fait que j'ai jamais laissé les deux formats. Fait que, mais le CD était devenu vraiment le 80% de ce que je consommais en tant que support au niveau musical. Oui, moi, ça avait été un petit peu un peu de frustration, j'avoue. Je me rappelle au Polisson à Rouyn-Noranda. Bon, parce que j'étais encore vraiment encore sur le vinyle pas mal, puis avec les importations et tout, puis là il a commencé à rentrer des justement Exodus, Impact is Imminent, tout ça. C'est un des premiers CD que j'ai acheté en format CD, hein. Puis dans les nouveautés à ce moment-là, puis là j'ai commencé à réaliser là, que là, il fallait vraiment prendre le virage parce qu'il y avait quasiment plus rien là, de moins en moins de choix du côté vinyle, puis bon. Fait que c'est un peu par obligation que ça s'est passé dans mon cas. Donc, dans le prochain bloc, on a choisi... on va entendre deux pièces qu'on a choisies pour... un peu pour souligner nos expériences vinyles. Toi, tu as choisi une pièce de Slayer, Mike. Oui, Slayer, j'ai choisi la pièce Hell Awaits. Pourquoi Hell Awaits? Ben, un, parce que c'est Slayer. Deux, parce que c'est Hell Awaits. Puis trois, parce que sur cette pièce-là, en vinyle... Tu peux la faire jouer à l'envers, parce que tu te rappelles, dans les années 80, il y avait toujours, comme on voit sur la pochette de Motley Crue en arrière, Shout of the Devil, This record may contain the backwards messages. C'était faux, ça. Mais dans Hell Awaits, c'était vrai. Quand tu faisais jouer l'intro de Hell Awaits à l'envers, le Seigneur, Seigneur, Seigneur de l'intro, quand tu le fais jouer à l'envers, ça fait Join us, join us, join us. Fait quand j'ai essayé ça chez nous en 89, j'ai vraiment chié des tacs sur ma table tournante. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi Hell Awaits, parce que c'était le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Puis, ben c'est ça, ben, c'est une des meilleures pièces du speed metal, puis Slayer, ben c'est Slayer quand même. T'as raison à propos de Hell Awaits, puis d'ailleurs, moi, cette découverte-là, je l'avais fait, c'était dans le couloir qui menait au studio à CIRC. À l'époque, j'ai mené l'émission Metal Militia à Rouyn-Noranda, évidemment. Je m'amusais comme ça en attendant pendant l'émission avant la mienne pour passer le temps comme ça. J'étais curieux par rapport à l'intro. Puis justement, j'ai entendu le fameux Join Us. Puis et évidemment, ça me rappelait ce fameux film Evil Dead, où ce qu'on entend justement au début du film, là, une espèce de rouleau asphalte qui roule dans le bois et qui détruit les arbres dans la noirceur et qui s'en va vers le camp. Et là, on entend Rejoins-nous, rejoins-nous. Le lien est fait. Oui, c'est ça. Alors. Bon, j'ai jamais su officiellement si c'était inspiré d'Evil Dead pour faire ça, mais bon. Mais Halloween, c'était toute une expérience. Je me souviendrai toujours de ce jour d'avril 85. La première fois que j'ai entendu ça chez un ami sur une table tournante, vraiment cheap, mais maudit que. Quelle satisfaction d'entendre ce successeur à Show No Mercy. Et plusieurs portes furent ouvertes ce jour-là, n'est-ce pas? Ah, absolument, absolument. Les gates of hell étaient ouverts. Et puis, moi, j'ai choisi pour ce bloc une pièce de Savatage sur le premier album, en fait, Sirens. J'ai pas de raison particulière, à part que, oui, ça avait son... Cet album-là avait son charme, avait un son particulier. C'est toujours agréable de réentendre ça aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'on va entendre dans le prochain bloc. Sirens of Savatage et Hell Awaits Slayer. La subversion. Metal. Yeah. warrior, the flame will bring you to your death. The flame of hating burns off your souls in that breath. The gates of hell I will never see. There's no blood to make you follow me. I can take your lost soul from the grave. Jesus on his own cannot be saved. Sacrifice the lives of all I know this will die. This will damn to rot in hell, skin to fire, so the demons die. T'es quoi, sérieusement, là, tes funérailles? La toune. Juste mes funérailles, m'en fous, être mince. What did I see? Oh, Love me like a reptile, the Motorhead. Ou I fuck like a beast, the Wasp. It's always there! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? We'll be right back. On a entendu Savatage avec Sirens, hein, précédé de Slayer Hell Awaits, deux classiques du métal. Oui, un peu pour appuyer notre l'expérience vinyle. Et puis parlant d'expérience vinyle, moi j'ai une recommandation à faire pour ceux qui aiment lire des livres. Hein, des livres, ça existe encore aussi, hein? Puis ça s'appelle 400 Saturdays, An Anthology of Vinyl Folklore. En fait, ça a été écrit par une personne du nom de Kelly Johnson Bear. En fait, c'est un recueil d'expériences de différents audiophiles qui partagent leur expérience audiophonique. Ça n'a pas juste rapport avec le vinyle, mais ça englobe toute l'expérience de musique analogue ou les premières expériences, autant en concert que sur table tournante des interviewés. Et puis, juste à titre de perspective comme ça, je vais lire un petit commentaire « On the back of the book ». We were still listening to music. The ear was there, but when you start feeling music and seeing the notes come out of the speakers in three dimensions, then you're into pretty deep. Je pense que c'est pour définir un peu l'expérience qui est tout autre que les fameux speakers et tout le format digital qui est hyper compressé d'aujourd'hui. C'est quand on parle de vinyle, on parle aussi. Pour ceux qui s'y consacrent pour la peine, on prend une expérience complète qui va au-delà du son aussi, mais au niveau du physique, du tangible, de l'aspect graphique de la chose qui peut t'influencer dans la perspective de ce que va être l'album et de ce qui est l'album au moment où tu l'écoutes aussi. Ça faisait un tout. Tu sais, moi, écoute, quand j'ai eu Speak English or Die, je me souviendrai toujours de SOD, je me souviendrai toujours du jour, du moment précis où j'ai mis l'aiguille sur la table tournante, la sensation que j'ai eue, le courant électrique qui a passé dans mon corps. J'exagère pas, là. J'étais complètement électrocuté par ça. Complètement surpris. Et aussi complètement satisfait dans mon expérience globale, même avec toutes les lyric sheets à l'intérieur, le collage de photos, c'était typique de l'époque Metal Blade, hein, tout ça. Puis il y a aussi l'humour qu'il y avait dans les lyrics, tout ça. C'était le toucher. Il y avait plusieurs sens qui étaient stimulés par l'expérience, justement, à l'entour du vinyle. Donc, oui, 400 Saturdays, ça peut, être une belle lecture. Je recommande, parce que je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça, ce recueil de... Ouais. Donc, par rapport au vinyle, on parlait de nos premières premiers CD, premier album, première cassette, premier disque. Moi, mon premier vinyle, ça a été Peace of Mind d'Iron Maiden, format vinyle. Parce qu'avant ça, évidemment, il y a eu de la cassette. Tu as parlé de l'époque Columbia aussi. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que je me suis ramassé avec autant de cassettes de Rush à l'époque. Bref, oui, c'est ça. En juin 83, j'avais chez Disco Bérard, sur la principale à Rouyn-Noranda, j'ai acheté le Peace of Mind d'Iron Maiden. C'est pour ça que j'ai choisi une pièce de Maiden pour le prochain bloc. Puis, parce qu'il est sorti en mai, l'album, en fait. Puis toi, Mike, ton premier disque? Non, premier disque, c'était pas vraiment un disque, c'était plus un mini-disque, c'était un 45 tours. Ouais. C'est le 45 tours de Poison, la pièce Your Mama Don't Dance avec Fallen Angel en arrière, je pense. Je l'ai encore, il fallait que je check à la maison. Mais vrai, c'est en 45 tours, fait que c'était un single. Ça, c'est vraiment le premier que j'ai acheté. Je l'ai acheté chez Discus sur la rue Saint-Hubert. Puis je suis retourné à ce magasin-là pas longtemps après pour acheter un certain Salt of Heaven, qui est devenu un de mes albums préférés depuis ce temps-là. Bref, c'était mes premiers achats comme ça. Puis ça, je voulais mentionner tout à l'heure au niveau du vinyle. Le monde parle, c'est vintage, le monde il regarde ça parce que c'est cool de regarder les affaires vintage. Oui, ça c'est une chose, mais aussi il faut vraiment apprécier l'art pour qu'est-ce qu'il est. Il faut comprendre que dans la généalogie de la musique, le Genesis, c'est le vinyle, parce que Mozart, son premier album, était en vinyle, n'est-ce pas? Quand on prend ça en considération, le vinyle est le point zéro. Fait qu'un vinyle, t'as la pochette, t'as les paroles, t'as les photos, Puis ensuite, tu as le son qui est analogue. La grande différence entre le son analogue et le son CD digital, mais c'est la compression. Donc ça, c'est sûr qu'il y a mille et un documentaires qui se font là-dessus, mais demeure que c'est un fait. Un CD ou un MP3, qui est la même chose finalement, est compressé. Fait que quand tu compresses quelque chose, tu n'as jamais le même son. On s'entend que pour faire les tests, il faut avoir une bonne table tournante, bon système de son, bon speaker, être bien installé dans une pièce relativement confortable et silencieuse. Donc on est très loin du Walkman pendant qu'on fait son jogging. Alors, faut vraiment prendre ça en considération. Mais tel quel, quand on compare un CD puis qu'on compare un vinyle, c'est ça. C'est la chaleur de l'analogue. C'est les hautes qui sont un peu crisp. C'est les basses qui sont plus graves et plus définies. Bien sûr, c'est un son qui va être plus straight, plus carré, littéralement parlant, au niveau du CD ou du MP3. Fait que c'est ça le vibe. On recherche ça aujourd'hui. Puis on l'a toujours recherché. Puis quand t'es mélomane, tu le perds jamais. Puis c'est toujours le fun de réécouter des affaires que t'écoutais avant, quand tu l'as commencé en cassette, ensuite en vinyle, puis ensuite en CD. Puis là, peut-être 5, 10, 15 ans plus tard, tu retrouves un vieux vinyle ou tu rajoutes une réédition. Puis, c'est le même, ça sonne. Hey, je l'ai écouté dans mon iPod pendant des années, puis je me rappelais même plus comment ça sonnait. Ben c'est ça le fun. C'est ça la nostalgie qui existe depuis début 2000 avec le hype du vinyle. Puis là, je rajoute maintenant la deuxième option, c'est-à-dire la pochette complète avec le gatefold, les paroles, les illustrations et tout et tout. Fait que c'est bien plus fun que d'avoir un CD qui est en plus petit, puis une cassette qui est encore en plus petit, ou un MP3 où est-ce que t'as absolument rien. Fait que c'est vraiment pouvoir apprécier l'art que l'artiste te livre et que tu peux déguster cet art-là autant visuellement qu'auditivement, vraiment sur la palette complète, le spectre de A à Z. Fait que ça, c'est rendre justice en tant que fan de musique. Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, là, tu sais. Parce que moi, justement, t'as un bon point, parce que je trouve que c'est important de ressentir la musique, tu sais. Tout le processus qui a amené à ce que ce soit conçu, puis amené à terme, tout ça, ça mérite quand même une bonne attention. Justement, d'optimiser l'expérience, c'est vraiment cool. Des fois, je sais pas si c'est juste par manque de temps ou quoi. Mais tu sais, moi, mettons, juste un exemple, j'achète le dernier mini-album de Cryptopsy en fichier. Ben, je trouve ça m'a donné une drôle d'impression. Je ressens rien. OK, je le mets sur une clé USB, j'écoute ça dans l'auto. Oui, ça sonne, c'est cool, mais qu'est-ce que j'ai ressenti d'autre? Rien. Waouh, ça vient de rentrer dans l'ordi. Et ça me fait dire, est-ce qu'ils ont vraiment sorti un album? Moi, dans ma tête, non, vous venez sortir un dossier. C'est un dossier que je viens d'ouvrir. J'ai rien touché. J'ai rien senti. Et puis, un peu pour... justement, je trouve que quelque chose qui se perd à ce niveau-là, c'est d'être impressionné, justement, d'être marqué par une expérience. C'est un premier contact, mettons, avec un... je veux juste lire un petit extrait ici d'un nommé Pete Mueller qui a été interviewé dans le livre. Une phrase qui mentionne comment ça a changé sa vie. Il dit soudainement, suddenly my entire worldview has shifted. It was the same thing that changed in me when I was a kid in the 50s upon first discovering Mad Magazine. Tu sais, c'est des moments que tu peux isoler dans ta vie et tu vas t'en rappeler pendant longtemps. Tu sais. Parce que justement, dans une autre de ses citations à lui, il mentionne que c'est quelque chose de fascinant à découvrir, la musique, qui pour lui est plus important. C'est une découverte plus importante que le feu. La musique. En tout cas, on parle quelque chose de la musique avec un grand M, alors pour bien les audiophiles, c'est important. Tous les aspects qui entourent l'expérience, pas seulement du vinyle, mais c'est du complet, quoi. Toi, tu avais choisi une pièce de Sacred Reich pour le prochain bloc. Oui, une pièce de Sacred Reich, la pièce One Nation sur leur mini-album sur Nicaragua. Pourquoi? Parce que... Voilà ma réponse. Juste parce que j'aime Sacred Reich. Il n'y a aucun lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je l'avais en cassette, je l'ai vendu récemment. Je l'ai en vinyle, je l'ai en CD. Je l'ai en CD réédition. J'ai même le chandail. J'aime beaucoup Sacred Reich. Fait que One Nation sur Sacred Reich. Peut-être parce que ça avait sorti dans cette espèce de période transitoire, vinyle à CD, là... d'analogue à numérique, peut-être, non? Peut-être, oui, non, mais c'est pas de lien direct. C'est un choix comme ça. C'est un mini-album. C'est un 4 pièces seulement. C'est un 4 tonnes. Fait que, non, il n'y a pas de lien avec le sujet. C'est juste parce que je suis un fan. Ouais. Donc, on va y aller avec Sacred Reich, One Nation, et tout de suite, Iron Maiden avec Sun and Steel de cet album Peace of Mind, à Subversion sur Underground Québec Radio, live from Terrebonne. Je veux d'autres cafés, madame. Fight! j'avais parlé précédemment de l'impact du visuel, de la pochette, du cover des albums qui est quand même relativement important. Il est surtout important à l'époque parce que, bon, on ne pouvait pas vraiment écouter des previews dans le temps. Hein. Il n'y avait même pas de poste d'écoute. Moi, je me rappelle, les premiers temps, qu'on allait chez Chris Guy et on allait s'acheter une cassette des CDC, For Those About to Rock, ma première, ou une cassette de Dio, d'Aaron Maiden, Made in Japan. Si t'étais pas un consommateur averti, vraiment, des fois, on se fiait sur des éléments comme des photos de bandes à l'arrière de la pochette. Un logo quelconque qui était signe, qui était gage de qualité envers un produit semblable ou tout simplement le graphique sur la pochette. Puis, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi la pièce de Onslaught, Power from Hell, c'est une pochette. Avec la pentagramme, l'espèce de démon, quand même assez frappante à l'époque. Puis, qui donnait une espèce de ton peut-être un peu plus obscur à la musique peut-être un peu plus obscur qu'elle était réellement. Parce que, bon, à ce moment-là, Onslaught était encore dans leur espèce de frame hardcore, punk hardcore à la Discharge sur le premier album. Mais, il y a des pochettes comme ça qui vont nous influencer un petit peu niveau graphique. Et ben, devrait être en principe le reflet du contenu. Mais des fois, ça nous donne une perspective de ce que ça va être. Puis, comme cet album de collage que tu as amené, moi, est-ce que quand je vois ça, je m'imagine des affaires. J'ai pas encore su pourquoi tu avais amené cet album, mais bon. Ben, je sais que t'aimes bien garder des affaires inutiles, fait que j'ai pensé à toi quand j'ai fouillé dans mes vidanges un matin. Comme Steph Kars, puis c'était quoi l'autre? Kathleen, le deuxième album. Oui, Kathleen, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr que pour une pochette de vinyle, c'est toujours le fun parce que t'as vraiment l'effet complet, là, oui, tu sais. Oui. Fait que le CD est rapetissé, puis la cassette était encore plus rapetissée, puis le MP3, ben t'as absolument rien. Faut que t'ailles en ligne pour regarder un JPEG, fait que c'est pas la même dimension. Fait qu'avoir un disque dans les mains, puis sortir la pochette, puis lire les paroles, même sentir le disque ou sentir l'acétate, ça fait partie de l'expérience de packaging et de dépackaging. Justement, si tu me permets la parenthèse, en début, juste avant d'enregistrer tantôt, j'ai vu Mike live sniffer la pochette de Morbid Angel. Ça m'a tellement rappelé Claude Rajotte dans l'entrevue avec Dutrissac, parce qu'il mentionnait « Je suis un sniffer de pochette, moi je peux pas m'en empêcher. » Je sais pas si, s'il y a 15-20 000 CD, je sais pas s'ils étaient tous analysés de façon olfactive, mais bon. Là, on n'a plus le rapport à la pochette. Moi, j'aime sniffer mes pochettes, l'encre. T'es un sniffer de pochette. Absolument, je sniffe les pochettes. Moi, j'aime les odeurs d'imprimerie. J'adore ça, les pétroles. Alors, tu vois, tantôt, tu m'en as pointé un. Il fallait que j'aille regarder. Mais juste le bord de la pochette, je peux te dire ce que c'est, tu sais. Puis, mais là, dans des fichiers audio, j'en ai 40 000. Fouille-moi les couleurs, la pochette, où est-ce que je vais retrouver. Tiens, là. Okay. C'est ce qui me manque vraiment, c'est l'impression, c'est le... Je lisais les paroles, bien sûr, ben aussi. Oui. Même je comprenais absolument rien, je chantais avec Yes, puis etc. Mais c'est quand même un détail important, on l'a pas mentionné avant, l'aspect olfactif de la chose, parce qu'il y avait une odeur relative à ça aussi, même le carton, hein, le carton, le cellophane, c'est un humus très, très spécial, très spécial. Fait qu'à chaque fois que j'achète un nouveau disque, un nouveau vinyle, qui est scellé neuf, factory sealed, là. Tu l'ouvres et tu prends une sniff, et ça fait partie du rituel de l'ouverture. C'est niaiseux, mais je le fais, puis j'ai aucune gêne à le dire publiquement. Je pensais pas que ça se faisait avec les CD, honnêtement, aussi, quand j'ai vu Claude Rajotte le faire, tu sais, autant il disait que le format CD était rendu, ben, c'était rendu obsolète aujourd'hui, voire inutile de conserver, mais il sniffe encore la pochette. Puis c'est ça. Ça fait partie de l'expérience par là. Mais je dois avouer que c'est plus fun de sniffer un digipack que de sniffer un duo case parce que le digipack a plus de carton. Ouais. Ah voilà. C'est drôle que les compagnies disent qu'ils ne projettent pas ça vers l'avant, cet aspect-là, hein, la senteur, tu sais. C'est comme justement comme je viens de mentionner. Une espèce d'odeur en bonus. Bon, qui est sur le bonus track ou le bonus 24. 24 pages de photos, mais... C'est exactement ça que je pensais. Ça a déjà existé. J'ai un digipack de Cathedral chez moi. C'est un sniff pack, puis tu le grattes, puis il sent. Ouais. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Mais aujourd'hui, les compagnies disques, comme on disait, ça, ils se forcent pour... depuis les 8-10 dernières années, ils se forcent pour vendre du vinyle ou vendre des digipacks seulement ou CD avec bonus, parce que c'est juste ça qui leur reste. Un CD de jewel case normal, un boîtier plastique, là, c'est rendu plate et maussade. Là. Oui. Fait que c'est comme ça qu'ils s'attrachent à ce qui reste de l'industrie en termes de dollars puis en termes de mise en marché. Fait que oui, c'est le fun parce que ça donne des options aux clients. Je suis content d'ailleurs à propos de cette recrudescence du vinyle, c'est que ça donne l'occasion à la génération actuelle de pouvoir redécouvrir ce que nous on a connu dans le temps. C'est tout l'aspect optimal, le nouveau graphique, le nouveau sonore aussi. Puis parce que oui, je parlais de perte tantôt, je vais juste faire mention d'une expérience. L'album de ATS, j'avais acheté un Piece of Time en vinyle. Après ça, j'ai acheté j'ai un blanc pour le deuxième album. Unquestionable Presence. J'ai acheté un CD. Sans joke, je pense que ça m'a pris 10 ans avant de lire les paroles. Parce que oui, il y avait le graphique sur chaque page, les couleurs différentes, c'est cool. Mais je suis pas capable de l'apprécier sa juste valeur, si on pourrait dire. Puis encore moins de lire les paroles, parce que des fois, c'est tout petit, c'est écrit, des fois, dans vert sur jaune, whatever, tu sais. Puis c'est pas facile. Dans un sens, on l'a eu facile dans le temps, mais c'est ça, c'était optimisé. Puis Watchtower, Controller Resistance, même chose. Mais c'est ça, c'est une question de temps aussi. Je pense qu'il faut avoir le temps de se consacrer à ça. Puis quand on est passionné, ben ça devrait pas être un problème. Quand on a tous les dispositifs en place et opérationnels, la table tournante rattachée à un ampli vintage que j'espère d'avoir bientôt. Puis, et tout ça, puis les bons speakers, puis un samedi après-midi, un samedi ou un dimanche après-midi avec un scotch à la main ou un cold turkey, whatever. Et d'écouter comme ça un vieux Led Zeppelin ou un Rush ou un Maiden, quoi. Non, c'est sûr. Bien, comme on disait, la musique, c'est une expérience auditive et visuelle. Fait que si l'artiste a pris tant de temps à mettre dans sa musique, je pense qu'en contrepartie, on devrait prendre au moins un 2 heures pour écouter l'album dans son entièreté. Puis pas juste le mettre en sourdine pendant que tu fais le lavage ou tu passes l'aspirateur. Ouais. C'est injuste. Ça, c'est un crime, faire ça. Fait que c'est sûr que c'est facile avec un CD ou avec un MP3. T'écoutes 30 secondes, skip. 20 secondes, skip. Mais tu rends pas justice à ton artiste que t'as encouragé parce que t'as acheté la maudite platine. Fait que vas-y all the way, puis écoute l'album complet, puis installe-toi, comme tu dis, bien installé, bon système. Pas besoin que ce soit un ampli analogue, là, juste un ampli bien normal, des bonnes enceintes acoustiques. Puis écoute l'album. Puis là, tu vas découvrir des affaires que tu n'aurais pas découvert sur ton iTunes, tu sais, ou en version moderne digitalisée, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est rendre justice à l'artiste, puis vraiment vivre l'expérience, puis vraiment tremper dedans à son plein potentiel, ou juste de se mouiller légèrement avec des échantillons en streaming ou autre. Fait que je pense que ça vaut la peine. Puis là, vous allez découvrir, ou peut-être redécouvrir des albums que vous pensiez connaître, mais finalement, il y a des subtilités qui sont le fun, puis que, ouais. Je vais peut-être mettre une heure là-dessus, je vais l'écouter au complet. Face A, face B, wow! C'est mieux que je pensais. Puis jadis, tu aurais mis ça aux oubliettes, mais là, justement, en prenant le temps, puis c'est pas si long que ça, hein, c'est pas la fin du monde. Faire attention au disque, faut le placer, déposer l'aiguille. Ouais, OK. Ouais. Ça prend 22 secondes de plus. C'est quoi 22 secondes c'est d'attention? C'est pareil, on s'imagine que c'est beaucoup plus long, mais finalement, non. C'est vraiment cool que tu mentionnes ça, parce que c'est vraiment vrai. Je pense qu'il faut vraiment rendre justice, parce que à un moment donné, ce que ça peut créer, générer comme sensation, c'est que outre tout l'aspect graphique, comme on disait, la pochette, tout ça, le toucher, tout ça est en trois dimensions, on rouvre la pochette dans certains cas, ben faut pas oublier, comme on disait dans le livre, le 400 Saturdays, que la musique, elle peut être tridimensionnelle aussi à un moment donné, quand les notes sortent des speakers, puis que ça devient... Ben, c'est ça, une expérience... Extrasensorielle. C'est ça, extrasensorielle, oui. Oui, c'est ça. Extrasensorielle. Ça prend tout son sens. Alors, Écoute, ça a été un plaisir de jaser de ça avec toi, Mike, puis ça me donne vraiment le goût là, d'aller chez ce nouveau disquaire, Planète Claire, aller voir s'ils n'ont pas d'équipement vintage où je pourrais enfin... en tout cas, parce que moi, j'ai plus de table tournante en ce moment. Ça, il ne fallait pas que je le dise, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci, Mike, pour cette collaboration encore une fois. Mais merci à vous tous, puis prenez le temps d'écouter de la musique, ça vaut la peine, parce que la musique est là pour durer, puis... Vu qu'on, en tant que musicien, que fan de musique, prenez le temps, ça vaut la peine. Je pense que l'inverse serait le fun aussi si vous êtes un artiste et vous créez la musique. Mais c'est le temps de rendre l'appareil, puis c'est pas une demi-heure de plus dans votre journée qui va vraiment faire une grosse différence. Donc ça vaut la peine de vivre la musique, la vie pour le vrai. Bye! I want you to get Alors, c'était tout pour ce spécial Metal for Breakfast avec notre ami Mike TMG, Michel Monette, que nous avons rencontré dans ce resto. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Et puis, moi, j'ai eu autant que de plaisir à le faire, à produire cette émission-là et de faire ce micro dans ce restaurant. Les quatre pièces qu'on a entendues, les quatre dernières, c'était de Sacred Reich One Nation de 1988, l'album Surf Nicaragua. Avant ça, on avait Iron Maiden avec Sun and Steel de The Peace of Mind de 83, qui a été mon tout premier album que je me suis procuré en vinyle sur un petit magasin sur Principal à Rouyn-Noranda. Avant ça, on avait eu Slayer avec LOA, cette pièce éponyme de ce classique de 1985. Et... avant ça, c'était quoi? Savatage avec Sirens de 1983, pièce titre également. Alors, vous nous avez entendu dans la discussion parler d'un nouveau magasin de disques qui a ouvert sur Saint-Denis à Montréal le mois dernier. Il s'agit du Planète Claire. Inspiré de cette discussion qu'on a eue au resto sur les vinyles, eh bien, ça m'a incité à aller faire un tour à ce nouveau magasin sur Saint-Denis. Et puis, par curiosité, je suis tombé sur un vieux Yes, puis un vieux Jethro Tull. Alors, j'ai eu quand même une discussion intéressante avec des gens qui étaient là, dont Martin Desgroseilliers, propriétaire, et aussi Patrick Hood qui était là. Et puis, Martin, il a fait une déclaration sur son Facebook dernièrement, et puis relativement justement au sujet qu'on a parlé aujourd'hui, et relativement évidemment à ce magasin Planète Claire, et je voulais vous en citer un bout. Alors voici. Le retour du disque vinyle est de plus en plus fort, ce n'est pas une blague. Voir des jeunes début vingtaine acheter des disques de tout genre et de toute décennie, c'est magnifique. Également, leur faire des recommandations en boutique et de les voir revenir avec un sourire en vous remerciant, c'est vraiment très gratifiant. De plus, voir des bandes de ma jeunesse reprinter des galettes noires, comme bientôt Genetic Error, waouh, c'est juste malade. Assister à la formation de plus en plus nombreuses de nouveaux bands, ça aussi c'est encourageant. Il y a aussi des bandes qui se reforment, comme la nouvelle d'aujourd'hui, Danzig, qui rejoint finalement les Misfits, Alice Cooper Band qui se réunit avec un prochain album, et ce n'est pas terminé pour le rock. Je suis heureux, vive le rock! Alors, sur ces paroles de Martin Desgroseilliers, nous allons... on va y aller. Pourquoi qu'on y va pas avec une pièce de ce Jethro Tull que j'ai trouvé dans ce magasin de l'album Benefit? Voici To Cry You a Song de 1970, la subversion. We'll be right back. angels, but I could have been wrong. Searching my caves, can't find what they're looking for. Waving me through to cry of a song. Avec To Cry You a Song de 1970, pièce clé de leur troisième album Benefit, à se procurer en vinyle pour ceux qui aiment le genre. Et ça a été le premier album pour ce groupe britannique à dépasser le cap du million d'albums vendus. Donc ça clôture pas mal ce qui c'est. Oui, c'est l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus après toutes ces discussions? Tout simplement partager la page Facebook, la page SoundCloud pour les balado-diffusions. Les 4 à 5 derniers épisodes sont disponibles. Hurlemort.com pour les chroniques du sinistre Guillaume Gagnon. Donc Spread the Word pour Subversion, le Mel Rock World Show suit à l'instant sur Underground Québec. Salut, à la prochaine.